Ok. Y'a pas de fumée sans feu. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, depuis que je fume plus de shit, ma vie a un goût merdique. J'ai micro solide, bien grasse comme ton poule chérie. Résine de cannabis, les yeux verts à Iblis. L'amnésia, la salade, j'aime cette alchimie, la fusion royale. T'es à la menthe, chicha à la menthe, blunt à la menthe, featuring Bob Marley. On aime ça, le wit end. Avec la mif, on roule des grosses spliff, la Wu-Tang Clan. J'me contente de peu, juste un fanta et un stick. J'te jure qu'avec mes potes, j'me tape des soirées fantastiques. En mai, fais ce qu'il te plaît, en juin, roule un gros joint. Nuages de fumée dans un simple joint, ma rage contient. C'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, je milite à la clinique, prise de sang, 100%, cannabique, jamais j'me pique, j'ai trimé le ventre vide, j'ai rappé avec ou sans la côte, même pas en rêve, jamais le zen dans la coke. Ils veulent pas que tu décolles, ils préfèrent que tu défonces à l'alcool plutôt que t'ailles trop loin à l'école. Frérot, à trop fumer, faut pas trop que tu déconnes. Les mains sales comme ma chicha, je charbonne, tu passes qu'on pistonne. C'est pour mes fumeurs de ganja. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de ganja. Toxicoman, gonflé comme une bonbonne. J'suis plus un gamin, appelle-moi bonhomme. Prisonnier de la haine, mon parcours n'a rien eu de drôle. Tous les jours, la mort, on la frôle. On finira pas en tôle. J'suis pas l'exemple à suivre, j'ai jamais eu le bon rôle. C'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, kiffe le son et tant pis pour ceux qui capent que dalle comme d'hab, parce qu'il y en a toujours qui sont à côté de la plaque. Mon son te fait rêver, mais mon son peut te faire le même effet que quand les flics te plaquent. Grosse frappe, retour à la réalité. On arrive salement dans tes yeux, dans ta bouche, dans ton cul. Écarte-toi de l'instru, c'est lunatique et pas un intru. Tue-moi avant que je te tue. Si tu veux vivre par le rap, il faut vivre pour le rap. Indépendant mais flow gradé, certains rappeurs ont troqué leur rime contre une ligne pour se droguer. Ok, qui peut me stopper, qui peut me détrôner? Je me pose trop de questions quand j'écris mon mode en fucking couplé. C'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman, c'est pour mes fumeurs de concha. Toxicoman.